LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Non merci, pas d'enfant. Manon Prigent, Anne Fleury. Aujourd'hui, quand le choix se fait sous la contrainte. Alors j'ai trouvé aussi intéressant de vous amener des représentations iconographiques, en particulier un tableau d'un peintre qui s'appelle Jean Geoffroy, qui est plus connu sous le nom de Géo, qui était assez connu à l'époque, notamment pour ses peintures autour des sujets relatifs à l'enfance, hein, et notamment les enfants dans les milieux populaires. Il a fait un tableau qui est une sorte de reportage à l'hospice des enfants assistés, c'est-à-dire cet hospice qui se trouvait rue d'Enfer-Rochereau, où les enfants étaient déposés lorsque les parents les abandonnaient. Alors, il y a plusieurs tableaux qui ont été faits à l'époque, mais celui de Géo est intéressant, il date de 1912. Il est intéressant parce que, d'abord, il est très réaliste du point de vue du lieu où se déroule l'abandon, puisqu'on est ici dans le bureau d'admission. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la représentation de la scène de l'abandon, où on voit d'un côté une représentante de l'assistance publique qui reçoit l'enfant, qui est en train de dresser le procès-verbal d'abandon. Au centre du tableau, avec une robe toute blanche, une nourrice qui tient le nourrisson qui est en train d'être abandonné dans ses bras. Et puis, une figure un peu décalée sur la gauche du tableau, qui est la mère, qui vient d'abandonner l'enfant, et qui est dans une posture tout à fait intéressante, à la fois par ses habits. Elle est toute habillée de noir. Donc évidemment, une interprétation facile, mais qui est sans doute assez juste, qui est de dire qu'elle porte le deuil de sa maternité, d'une certaine manière, ou en tout cas le renoncement à l'enfant qu'elle dépose à l'assistance publique. Et puis elle a les mains jointes un peu dans un geste peut-être de contrition, ou bien peut-être aussi une sorte de tension liée au moment qui lui fait sans doute exprimer aussi un chagrin, c'est important, on ne la voit pas indifférente, elle a le regard tourné vers l'enfant qu'elle laisse. Et donc elle est à la fois dans une posture de regret, de tristesse, de renoncement forcé à cet enfant, enfin c'est moi, c'est comme ça que j'interprète le tableau, et en même temps, elle reste une femme digne. Ce qui est intéressant parce que pendant longtemps, on a quand même considéré que les mères qui abandonnaient les enfants étaient des mauvaises mères. Or celle-là, on nous la montre non pas comme une femme dénaturée, qui n'aurait plus d'instinct maternel, mais comme une femme qui est sans doute contrainte par des facteurs extérieurs. En tout cas, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle abandonne cet enfant. À Paris, entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle, près des trois quarts des femmes qui abandonnent un enfant sont domestiques ou ouvrières. Avant la diffusion et la légalisation des moyens de contraception et de l'avortement, la décision de ne pas garder son enfant est très souvent dictée par la misère. À l'inverse, aujourd'hui, c'est plutôt dans les sphères sociales les plus diplômées et les plus économiquement dotées que le choix de ne pas faire d'enfant s'affirme davantage. Ne pas avoir d'enfant, est-ce une contrainte de pauvre ou un désir de riche? Des abandons d'enfants au XIXe siècle, aux accouchements sous X aujourd'hui, quel est le rôle de la contrainte économique dans le choix de vivre sans enfant? Globalement, la France fait sa transition démographique un peu un siècle avant les autres pays européens. Donc on est au milieu du XVIIIe siècle quand on s'aperçoit, lors des premiers recensements, que la taille des familles se réduit. Charlotte de Best. Et puis il va y avoir la guerre contre la Prusse. Sociologue. Ça a été une hécatombe. La France a perdu. Et on s'aperçoit également que la population française est moindre par rapport à la population prussienne. Et à partir de ce moment-là, vraiment, donc 1870, il va avoir de la part des gouvernants une propagande nataliste avec ce premier argument que si en gros les Français, enfin la France a perdu la guerre contre la Prusse, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants. Donc sous-entendu, c'est à cause des femmes qui font plus d'enfants. Donc ça arrive, voilà, fin 19e siècle, on est là-dedans, c'est très fort, il y a vraiment une politique d'encouragement à la natalité, donc une valorisation de la maternité pour être une femme accomplie. À la fin du 19e siècle, on prend conscience, c'est d'abord des statisticiens, des médecins très souvent, hein, qui sont férus de cette nouvelle science des populations qu'est la statistique. et qui vont tirer en quelque sorte le signal d'alarme en disant qu'il y a un ralentissement très net de la natalité en France. Antoine Rivière, historien. Et ça ne de cesse de les inquiéter parce que la puissance française à l'échelle européenne reposait depuis très longtemps sur le nombre justement. C'est véritablement la stature internationale de la France qui est mise en cause. Mais ce qui les inquiète surtout, c'est que ce déclin démographique pourrait, disent-ils, c'est comme ça qu'ils s'expriment, faire peser une menace de disparition sur la race française. C'est les termes qui sont exprimés. Et donc, petit à petit, cette petite musique sur le déclin démographique va diffuser à travers la classe politique, à travers l'opinion publique. Et comme on n'est pas sûr de très bien savoir la façon dont on peut encourager les couples à avoir des enfants, on va prendre le problème par l'autre bout, c'est-à-dire lutter contre la mortalité infantile. Et lutter contre la mortalité infantile, ça demande de venir au secours de tous les enfants, y compris les enfants qui sont rejetés par leur famille, qui étaient exposés sur la voie publique ou bien abandonnés. Et puis d'autre part, il y a une conjoncture politique au tournant du 19e et du 20e siècle, qui est l'avènement de la République, mais au sein de la République, un renversement du rapport de force entre les familles républicaines, et en particulier la montée en puissance de ceux qu'on appelle les républicains radicaux, et qui, eux, sont très favorables à des politiques sociales qui doivent venir en aide aux populations les plus fragiles, les plus pauvres. Et ces radicaux sont particulièrement influents à Paris. Et donc, ils vont réussir à imposer leur vue et à mettre en place des politiques de secours aux fimères, des politiques d'accueil des enfants abandonnés qui sont particulièrement généreuses et qui vont se diffuser ensuite dans le reste du pays. Nadine Le Faucheur, vous êtes sociologue. Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la pratique de l'accouchement sous X ? Bien, c'est une question tout à fait personnelle, c'est-à-dire que j'étais enceinte seule. Et comme je revenais d'Afrique où j'étais enseignante, j'avais été étudiante avant de partir, donc je cherchais une chambre de bonne pour un petit logement. Et je suis allée au Comité parisien des œuvres universitaires. Et l'assistante sociale, voyant mon gros ventre et que je n'avais pas d'alliance, m'a parlé tout de suite, à la fois, elle m'a un peu prise en charge, disons, et comme je ne voulais pas que mes parents soient au courant de ma situation, et que je n'avais pas droit à la sécurité sociale, puisque à l'époque, l'État envoyait des coopérants, mais ne les assurait pas. Et donc, il fallait que je paie plein pot mon accouchement. Elle m'a dit, écoutez, il y a une solution, c'est l'accouchement sous X. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Comme j'avais pas non plus entendu parler des hôtels maternels dont elle m'a parlé par la suite. Et bon, c'est cette question j'ai refusé, bien sûr, mais aussi parce que j'en avais les moyens. J'avais pas beaucoup d'économies, mais j'avais suffisamment pour payer l'hôpital. Donc c'est comme ça que j'ai été amenée à cette question sur laquelle je suis revenue des années après quand je me suis lancée dans la recherche. Au directeur des enfants assistés, décembre 1922. Monsieur, voudriez-vous avoir la bonté de prendre la charge de ma gosse? Car je ne puis arriver à payer ma nourrice. Avec toute ma bonne volonté, je ne puis. Je lui dois 271 francs 50. Et où voulez-vous que j'aille les chercher? Car je ne veux pas faire la noce, pourtant. Pour ça, non. Jusqu'à présent, j'ai fait comme j'ai pu, mais je ne puis continuer. Alors, monsieur, je préfère faire l'abandon, car il m'est impossible de faire autrement. C'est mieux que je fasse comme ça que je lui fasse du mal. Si vous prenez mon enfant, je voudrais pas que mes patrons où je travaille le sachent, car ils pourraient me renvoyer, et après, je serai encore sans travail. Alors, monsieur, faites-moi savoir le plus tôt possible. Recevez, monsieur, mes sincères salutations. Louise V. Les premières années du XXe siècle, vous avez un certain nombre de femmes qui se présentent dans le bureau d'admission de l'hospice dépositaire de la rue d'Enfer-Rochereau, qui disent qu'elles veulent abandonner leur enfant, et systématiquement, l'employé qui reçoit l'enfant va noter ce qu'on appelle le motif de l'abandon, donc sur un procès verbal d'abandon. Et donc, Encore une fois, on semble voir à travers la façon dont sont consignés ces motifs d'abandon une réprobation morale quant à l'esprit de jouissance ou l'esprit de luxe, de facilité que l'employé croit déceler chez un certain nombre de ces femmes qui renoncent à leur maternité parce qu'elles manquent de courage. C'est un terme aussi qu'on retrouve parfois dans ces dossiers d'abandon. Au fond, on peut se demander pourquoi. Quel est l'intérêt pour l'employé et pour l'institution de noter ça? Sans doute, c'est pour encore et toujours réassurer qu'une femme est faite pour faire des enfants et qu'elle est faite pour les aimer, pour s'y attacher, et que celles qui ne rentrent pas dans cette logique sont en quelque sorte des marginales, des femmes dénaturées, vicieuses. On se pose toujours la question de par où passe la morale sociale? La morale sociale passe par ce type de répétition à l'envi. Dès qu'on croit ces femmes-là, on réaffirme qu'elles sont des mauvaises mères. Ce qu'on met en avant, ce n'est pas un choix, c'est une sorte de perversion de l'instinct maternel. Autrement dit, ça n'est pas tellement audible pour les administrations de l'époque, pour la société dans son ensemble, le fait que le renoncement à l'enfant peut être le fait d'un choix personnel assumé par une femme. Alors, en tout cas, il y a peut-être des cas comme ça, ils n'apparaissent pas dans les dossiers. Je m'appelle Sandrine, j'ai 45 ans actuellement. Voilà, j'habite en région bordelaise. Mon cas est un peu particulier puisque je suis née sous X. Donc j'ai été adoptée alors que j'avais 4 mois. Et donc j'ai voulu à un moment donné connaître mes origines malgré tout. Voilà, enfin, je m'étais imaginé des tas de choses. Et puis là, j'ai décidé de faire ce test ADN. Et donc, je le fais. J'attends 2 mois environ pour avoir les résultats. En fait, quand on fait ce genre de test, on reçoit sur l'écran apparaît une liste de personnes avec lesquelles on est lié par l'ADN. Et là, bon, je n'ai trouvé personne de proche. Tous des lointains cousins. Mais en fait, j'ai eu l'idée de regarder l'origine des noms de famille. Et je me suis rendu compte que c'était des noms assez typiques d'une certaine région, plutôt du sud. Ça m'a vraiment intriguée et je me suis dit, tiens, mais ça doit être, voilà, peut-être ma génitrice est originaire de cette région-là, probablement, parce que ça ressortait très nettement. Et du coup, j'ai décidé de demander à consulter donc, mon dossier. Il faut savoir que grâce à Madame Ségolène Royal, il y a une loi qui est passée en 2002 qui permet maintenant aux personnes nées sous X, quand il y a des éléments dans leur dossier, de pouvoir les avoir. Quoi, de pouvoir, voilà. Donc j'ai pris rendez-vous et puis j'y suis allée. Et au bout de quelques séances, la femme qui m'a reçue a bien voulu me montrer les éléments. Parce qu'il y avait quand même des éléments dans mon cas, pas énormément, mais il y en avait quand même. Elle a bien voulu me montrer ce qu'il y avait dans mon dossier. Il me semble qu'il y a plusieurs cas de figure parmi les femmes qui ont recours ou qui ont eu recours à l'accouchement sous X. Nadine Le Faucheur. Il y a des femmes dont on pense parce qu'elles sont trop jeunes, parce qu'elles sont mises à la porte de leur famille, parce que, etc., que de toute façon, elles n'y arriveront pas et qu'elles finiront par abandonner l'enfant. Il y a à la fois la question de payer l'accouchement, mais il y a aussi la pression sociale, qui est des fois la pression des services sociaux, d'ailleurs. Il vaut mieux, alors c'est la justification hein, que certains se donnent avec sans doute bonne conscience, ces femmes n'arriveront pas, l'enfant finalement se retrouvera à l'aide sociale à l'enfance, soit abandonné légalement, soit traîné justement dans les différents services d'aide sociale. Il vaut mieux carrément qu'elle l'abandonne tout de suite pour elle et pour l'enfant, et que l'enfant soit adopté. Et qu'elle, comme on le disait assez souvent, vous trouverez un mari, vous ferez d'autres enfants et vous oublierez celui-là. Et puis, il y a quand même un certain nombre de femmes qui peut-être ont déjà 1 ou 2 enfants et qui ne se sentent pas capables d'en assumer un troisième. Donc moi, j'avais réfléchi aux diverses possibilités pour lesquelles une femme peut abandonner son enfant. C'est pas forcément une histoire comme ça, dramatique ou pas terrible, hein, pas forcément. Mais il est un fait que dans le lot, il y en a quand même. Donc je m'y étais préparée. Et du coup, je consulte mon dossier et je vois qu'en fait, effectivement, à un certain âge, elle est tombée dans la prostitution, malheureusement. Donc là, j'apprends ça et c'est vraiment, bon, c'est un peu un choc, évidemment, sur le coup, hein. Je me dis, mais elle a dû avoir une vie très difficile, quoi. Apparemment, économiquement, ça n'allait pas. Du point de vue familial, c'était marqué aussi qu'il y avait beaucoup de problèmes, qu'elle était vraiment en rupture avec sa famille, voilà. Là, déjà, il faut, accepter la chose et puis le digérer, bon. Et du coup, j'ai l'idée de faire un deuxième test ADN. Et là, aux surprises, je tombe sur quelqu'un avec qui j'avais jamais autant partagé d'ADN, quoi. Et donc, j'ai écrit un message, parce que via le site, on peut envoyer des messages. Donc, je le vois, etc., on se voit, bon, il est très, très sympathique, quoi. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert un peu plus l'histoire de ma génitrice. Et j'ai su que, bon, il y avait eu vraiment au niveau de ses parents, quoi. Quelque chose qui n'était pas terrible, et elle n'a pas dû être très heureuse dans sa famille, quoi. Et puis bon, c'était des personnes de la campagne, assez modestes, qui finalement s'entendaient pas tellement. Enfin, il y avait beaucoup de crispation dans cette famille. Du coup, elle a décidé de tout plaquer pour venir à Paris. Et puis, au bout d'un moment, donc elle est tombée enceinte. Et puis là, elle a pas pu assumer. Et du coup, elle a décidé donc d'accoucher sous X. Mais bon, dans mon dossier, on sent qu'elle a quand même voulu laisser une trace, qu'elle a eu quand même une pensée pour moi, malgré tout. Mais bon, elle n'avait pas trop le choix. Elle vivotait à Paris, quoi. Elle n'avait pas d'aide du tout. Et puis bon, quand on est fille-mère, évidemment, c'est un peu catastrophique, surtout dans les années 70, quoi. Ouais. Donc, c'était mal vu, hein. C'était mal vu et je pense qu'elle n'a pas pu faire autrement, quoi. L'attitude de l'administration, malgré un certain nombre de permanences, évolue. Et en particulier, au début du XXe siècle, ce qui change, c'est ce regard sur les contraintes économiques qui pèsent sur ces femmes qui abandonnent. Avant, au tout début de la Troisième République, on a quelques années qu'on appelle traditionnellement l'ordre moral. C'est un moment de rigidité morale qui s'empare de la société française, qui sort de cette défaite contre la Prusse, de la chute du Second Empire, et donc il y a comme une sorte de conscience que c'est le manque de valeur, de morale traditionnelle qui est la cause des malheurs de la France. Et donc, cette période de l'ordre moral est une période qui se traduit dans les dossiers d'abandon par une condamnation sans appel de toutes les femmes qui abandonnent. Systématiquement, l'employé va se contenter d'inscrire « mauvaise mère ». Indifférence, manque de sentiment maternel, etc. Enfant Marie U, abandonnée à la naissance au service des enfants assistés de la Seine en 1923, mère Jeanne U, motif de l'abandon, par animosité envers le père qui s'est conduit indignement, la demoiselle U ne veut pas du nouveau-né et repoussant avec véhémence toutes les propositions de secours, en accomplit l'abandon définitif. Pas de sentiment maternel, tenue négligée indiquant la femme aux mœurs libres. Abandon en avril 1876. Enfant âgé de quelques jours. Pas de renseignements sur la mère. Motif de l'abandon. La mère veut absolument se débarrasser de cet objet encombrant qui l'empêche de se livrer à sa vie de débauche. Enfant, Jeanne E. Née le 15 février 1923 à Paris, abandonnée à la naissance. Mère Fernande E. 19 ans, janvier ouvrière. 1876. Motif de l'abandon. Motif la mère de déclare l'abandon. Avoir été victime d'un guet-apens et ne pas vouloir élever l'enfant issu de cette aventure. Ce motif, joint au défaut de santé et de ressources, l'oblige à en faire l'abandon définitif. Ajoutons-y la plus grande indifférence. Les choses évoluent, notamment sous l'effet de la montée en puissance des républicains et parmi eux des républicains radicaux. Antoine Rivière. Le regard sur les abandonneuses en particulier, sur ces mères qui abandonnent, va lui aussi changer. Et on va voir apparaître dans les dossiers d'abandon, une plus grande attention portée aux conditions, on pourrait dire, matérielles de l'abandon. Et en l'occurrence, le revenu des femmes, leur emploi, le fait que si elles sont seules ou pas à s'occuper des enfants, etc. Et ce qui va accélérer cette prise de conscience, au-delà de l'évolution politique et idéologique, philosophique, pourrait-on dire, des responsables des politiques sociales et de ces administrations à l'époque, c'est le moment qu'on oublie trop souvent, qui est le moment de la grande crise économique, qu'on appelle la dépression fin de siècle, qui porte pas très bien son nom parce qu'elle commence effectivement dans les années 1880, mais ses effets se font sentir, en fait, encore au début du XXe siècle. Et donc, on a une très longue période de dépression économique qui, en particulier, va amener à un gonflement du nombre d'enfants abandonnés. On est, grosso modo, jusque dans les années 1870, autour, à Paris, autour de 3000 abandons par an. À partir du milieu des années 1880 jusque, disons, 1905, on passe quasiment à un doublement, quasiment 5000 abandons par an. Et ces abandons sont de plus en plus le fait de ménages qui mettent en avant leurs difficultés économiques. Alors qu'auparavant, l'essentiel des enfants qui étaient abandonnés étaient les enfants qui étaient abandonnés par des femmes célibataires, fimères, et qui abandonnaient pour échapper au déshonneur, à l'opprobre, à la honte sociale que représentait le fait d'être une mère sans être mariée. Et donc cet afflux va conforter en quelque sorte le basculement idéologique et politique qu'avaient fait un certain nombre de responsables de ces politiques d'assistance à l'enfance. Ils vont dire bah, c'est bien la preuve que finalement, c'est pas tellement une question de condamnation morale qu'il faut mettre en avant. On ne répond pas à la crise de l'abandon en essayant de moraliser les classes populaires ou en essayant de redonner un sentiment maternel à des mères dénaturées. On y répond en répondant à la précarité économique. Donc les politiques françaises ont vraiment essayé de répondre à ça. Emmanuel Pont, auteur de « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Alors, il y a beaucoup de politiques qui viennent soutenir la natalité. Il y a globalement tout ce qui aide les parents à garder leurs enfants, à leur éducation, etc. et qui, du coup, est assumé par la société plutôt que par les individus. Donc, les crèches, puis l'éducation universelle et gratuite. On a toutes les aides aux parents, les allocations familiales qui font que c'est moins un coût, parce que c'est un coût important, hein, c'est des estimations entre un enfant, c'est entre 200 000 et 300 000 euros au total de coût. On a aussi toutes les aides aux carrières. Parmi les mesures les plus efficaces, aujourd'hui, on a le congé maternité. Donc voilà, je dirais que c'est les trois grandes catégories d'aides. Et on a encore aujourd'hui la majorité de ces systèmes, même si pour beaucoup ils sont en perte de vitesse depuis 10 ou 20 ans. En France aujourd'hui, il y a à peu près 30% d'enfants en moins que ce que les gens souhaiteraient, quand on regarde à la fin de leur vie de reproduction. Donc c'est beaucoup. Et les grandes raisons, c'est à peu près toutes des raisons d'ordre économique. Et c'est ça qui a l'air aussi d'empirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a par exemple moins de places en crèche, les allocations par rapport au niveau de vie ont un peu baissé, le coût de l'immobilier a augmenté et donc ça devient plus cher d'avoir une chambre de plus, etc. Donc aujourd'hui, on n'est pas sûr des explications de la baisse de la natalité en France, parce qu'il y a une légère baisse de la natalité, mais c'est le suspect principal. On a pu voir, par exemple, avec l'Angleterre, qui a eu de nombreux changements ces dernières années. Le gouvernement Blair avait beaucoup augmenté les allocations, et après le gouvernement Cameron les a nettement baissées, que ça a un effet. Et ça a un effet là-dessus, mais qui porte beaucoup sur, on va dire, le quart ou la moitié la moins riche de la population. C'est-à-dire que globalement, les plus riches ne se posent pas la question, ils ont autant d'enfants qu'ils veulent et ils se débrouillent. Et par contre, ceux qui le sont moins, l'objectif du gouvernement anglais qui était que les pauvres aient moins d'enfants, ils ont eu un peu moins d'enfants, mais surtout leurs enfants ont été plus pauvres, ont eu moins d'éducation, ont été moins bien nourris, moins soignés, etc. Et ça, c'est des choses qui ont des effets tout au long de la vie. Au directeur de l'assistance publique de Paris, septembre 1917. Monsieur, je viens en deux mots renouveler ma demande de fille mère car je suis toute seule pour payer les mois de nourrice et plus l'entretien de vêtements. Je ne peux jamais arriver pour moi et mon bébé si on ne me vient pas en aide. Du mois passé, je dois 10 francs parce que je n'ai pas pu travailler tout le mois pour cause de malaise. Mais j'ai repris mon travail car je ne voudrais pas faire attendre la nourrice de son mois. Alors monsieur, Dites-moi si je peux toucher mon secours qui m'est dû, car autrement je ne puis arriver. C'est le moment, cette charnière-là des 19e, 20e siècle, c'est le moment où naissent tout à la fois, on pourrait presque dire, les sciences de l'éducation, la pédiatrie, la puériculture. Et donc ça témoigne bien de cette nouvelle attention portée à cette petite enfance. Et ça s'accompagne effectivement d'une conception de plus en plus nette des soins qu'il faut apporter à ces jeunes enfants, mais aussi à l'investissement matériel qui est nécessaire. Le modèle qui s'impose, et ça part d'abord des classes supérieures, c'est un modèle d'attention plus grande porté à des enfants moins nombreux. C'est ça que dit la décroissance de la natalité. Bon, alors ça ne se diffuse pas immédiatement dans toutes les couches sociales, mais néanmoins, ces couches populaires, on va dire, sont au fait de cette nouvelle attente. Pourquoi ? Ben parce qu'on leur fait la morale autour de ça. On essaie de leur inculquer les préceptes de puériculture. Par exemple, vous avez à Paris des lieux qui se développent, qui sont une sorte de dispensaire. Les mères qui s'y rendent, certes, elles bénéficient de ce suivi médical pour leur nourrisson, ces distributions de lait, mais elles rencontrent aussi des médecins qui vont leur donner des conseils de puériculture. Ces femmes-là sont tout à fait conscientes qu'elles doivent, d'une certaine manière, sacrifier une part de plus en plus importante à leurs revenus pour le bien-être de cet enfant. Et donc, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que les femmes secourues par l'assistance publique, celles qui touchent ces fameuses allocations, l'assistance publique va mettre en place un système de surveillance pour voir quel est l'usage qu'elles font de ces subsides. Toute l'ambiguïté de cette surveillance, c'est qu'elle est certes une école des mères, une école de la maternité, pourrait-on dire. Certes, elle est une forme de diffusion de la surveillance sanitaire et médicale de la petite enfance. Mais elle est aussi, dans le cas des mères célibataires qui sont sur le point d'abandonner, mais secourues in extremis, pourrait-on dire, par ce versement d'allocation de la part de l'assistance publique, eh bien, ces mères, elles sont aussi mises sous la surveillance, cette fois-ci morale de l'institution. Parce que qu'est-ce qu'on surveille aussi ? C'est leur fréquentation masculine. Si on révèle qu'elle a un amant, si on révèle qu'elle va au cabaret, qu'elle boit, qu'elle fait des jeux d'argent, eh bien, ça peut entraîner la suppression des secours. Donc on voit bien que dans cette idée qu'il faut soutenir matériellement les mères pour éviter qu'elles soient contraintes à renoncer à leur maternité, il y a aussi, encore et toujours, une volonté de contrôle moral. Et que dans certains cas, si l'immoralité de la mère est jugée trop mauvaise, eh bien, il y aura peut-être un avantage pour la société dans son ensemble à couper le robinet des secours et à provoquer l'abandon pour que l'enfant ne subisse pas la mauvaise influence de cette mère pervertie. Nadine Le Faucheur. Je dois dire que moi, a priori, bon, si je le voulais pas pour moi, j'étais pas forcément hostile à l'accouchement sous X. J'étais féministe et bon, ça pouvait passer comme un droit de la femme de ne pas assumer une grossesse. Mais en travaillant sur la question, en assistant à beaucoup de réunions, soit de personnes nées sous X, soit de ce qu'on appelait les mères de l'ombre qui avaient abandonné leur enfant mais qui recherchaient, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même tellement de fraudes, tellement de tromperies, que c'était absolument, enfin pour moi, absolument insupportable. Et à l'époque, il y avait assez souvent des médecins qui étaient en lien avec des œuvres d'adoption, hein, et il y avait un quota à essayer d'obtenir en faisant pression sur les étrangères, puisqu'elles n'avaient pas les moyens de se défendre, pour avoir suffisamment d'enfants à donner en adoption. Je m'appelle Susanna, j'ai 48 ans, je suis arrivée en France en 1992, j'avais 18 ans. Je suis venue en France en fait un peu forcée dans le sens où j'étais enceinte. J'avais une copine qui habitait déjà en France et quand j'ai appris que j'étais enceinte, comme je n'avais pas d'autre solution puisque je ne pouvais pas le dire à mes parents, puisque j'étais très jeune et que je ne pouvais pas élever cet enfant toute seule, je me disais, dans un autre pays, je recommencerai une nouvelle vie. Et j'ai attendu le 18 ans, et puis je suis partie avec ma copine ici en France. Je ne voulais pas trop m'inquiéter pour le futur, parce que je me disais, de toute façon, je sais qu'il va arriver à un moment donné, et puis je ferai comme je fais maintenant, je m'occuperai de lui, je m'occuperai de moi. Il y a toujours des solutions, effectivement. Après, il y a une dame portugaise, une maman d'une collègue, qui m'a dit, bon, j'ai trouvé une solution, je connais quelqu'un qui va pouvoir t'aider à accoucher dans un hôpital, etc. Donc ça m'a soulagée tout de suite. On est parti de Paris à Montreuil, et c'était un hôpital public. Hein. Elle m'a présenté une assistante sociale, elle servait de, comment dire, je ne parlais pas encore, donc forcément elle est d'interprète, donc elle me paraît très sympa, elle m'a expliqué que je pouvais accoucher là sans problème. Mais le hic, c'était comme je n'avais pas les papiers encore, parce qu'à l'époque, il fallait une carte de séjour, il fallait absolument que je laisse l'enfant, parce que sinon, les frais hospitaliers allaient être envoyés à l'adresse, la pièce d'identité du Portugal, donc à mes parents. Mais je lui avais aussi raconté que mes parents n'étaient pas au courant et que c'est pour ça que j'étais venue en France, mon histoire que je lui avais racontée. Donc elle s'est servie, en fait, de ce fait-là. Pour, certainement, pour me mettre un coup de pression. Elle ne me l'a pas dit, bon, vous le gardez, on le garde et vous l'aurez plus. Non. Elle m'a dit, on vous le garde et puis quand vous aurez une meilleure situation, vous aurez réfléchi, vous êtes vraiment sûr, à ce moment-là, vous viendrez le récupérer. Ça a été comme ça, dit. Donc, moi, j'étais soulagée de savoir que je n'allais pas payer, que mes parents n'allaient toujours pas être au courant parce que c'était mon souhait et que j'allais pouvoir peut-être souffler. On m'a dit que j'avais besoin de souffler, que j'étais très jeune, que je devais me poser les bonnes questions. Moi, j'étais sûre à 100% que j'allais récupérer. Avril 1923. Monsieur le directeur de l'assistance publique. J'attendais avec impatience cette date pour demander des nouvelles de mon cher enfant. Je ne m'en désintéresse pas du tout, je suis au contraire très malheureuse et ne peut vivre avec cette pensée. Au moment où je l'ai porté, il m'était impossible de l'emmener, surtout que cette faute était cachée, pour épargner ma pauvre mère d'une si grande épreuve. Je voudrais vous demander, monsieur le directeur, s'il serait possible que vous me fassiez une lettre comme quoi je n'ai pas abandonné mon enfant, et que je pourrais le retirer, car je vais tenter un procès contre le père, et cette pièce, il me la faudrait pour remettre à l'avoué. Dans ce cas, si le père est condamné à donner une pension alimentaire, je pourrai m'en occuper. Et j'espère, monsieur, que vous me donnerez cette satisfaction. Car je souffre trop. L'abandon, de mon point de vue, dans ce qu'on voit dans les sources, est très très rarement un choix. D'abord, un certain nombre de ces femmes se montrent très courageuses pour éviter cet abandon. On voit des femmes qui réussissent, autant que les archives permettent de le voir, hein, mais qui réussissent à tenir des équilibres assez périlleux pour éviter à la fois que leur famille découvre qu'elles sont mères. Leurs employeurs non plus ne doivent pas savoir qu'elles ont eu un enfant en dehors du mariage, et qui en même temps réussissent à payer la nourrice, qui réussissent à prendre des nouvelles de l'enfant. Parfois, presque clandestinement, elles réussissent à avoir un jour de congé où elles vont rendre visite à cet enfant sur place. Et donc, c'est des abandons qui ont lieu au bout de 2-3 ans de cet équilibre très instable. Et on voit des femmes désespérées et épuisées par ce combat qu'a représenté ces quelques années-là. Donc là, il n'y a pas de choix d'abandon. Et ce recueil temporaire, de plus en plus de femmes considèrent que c'est un bon moyen. Ça leur permet de retomber sur leurs pieds, de retrouver un logement, de retrouver un travail si elles étaient au chômage. Bref, de rétablir une situation matérielle qui pourra peut-être leur permettre de reprendre l'enfant avec elle et cette fois d'assumer toutes les dépenses que nécessite cet enfant. Les ouvrières parisiennes touchent 3-4 fois moins qu'un ouvrier parisien pour le même travail. Donc les salaires féminins sont conçus pour être un complément d'un salaire masculin quasiment. Et donc, d'une certaine manière, un certain nombre de ces femmes se sentent flouées quand l'assistance publique ne leur propose rien d'autre que l'abandon. Disent « mais non, mais moi je ne veux pas abandonner ». Et même certaines pensent avoir placé temporairement leur enfant, alors que l'assistance publique de son côté, vu la situation de la mère, eh bien provoque l'abandon. Provoque l'abandon, ça veut dire qu'elle va immatriculer un enfant comme pupille de l'État, c'est-à-dire le ranger dans la catégorie des abandonnés, alors même que la mère a pu, elle, penser au moment où elle se rendait à l'hospice pour déposer son enfant, que c'était une admission temporaire. Donc j'ai accouché dans la tranquillité, j'ai jamais rien signé, quoi, rien. Et je ne parlais pas beaucoup, en fait, c'est vrai. Je ne pouvais pas poser toutes les questions non plus que j'avais besoin. Je me rappelle beaucoup de juste une phrase très bête, c'est « vous êtes très jeune, vous allez encore faire des enfants plus tard, vous avez le temps ». Pour elle, c'était rien. Il fallait que j'oublie cette histoire. C'était vraiment rien du tout. Cet enfant, j'allais pas avoir les capacités de m'en occuper. Ça, elles ont été persuadées. Et elles ont presque réussi à me convaincre, en fait. Donc, je suis bien partie sans l'enfant de l'hôpital. Sauf que, évidemment, quand je suis rentrée chez moi, j'ai rappelé tout de suite. Je faisais que ça, appeler. Donc, je peux dire que je les harcelais au téléphone. Je pleurais sans cesse. J'avais plusieurs numéros de téléphone. Et à chaque fois, on me disait la même chose. Madame, il faut oublier cette histoire. Et puis un jour, j'ai rappelé, on m'a dit, c'est trop tard, l'enfant a été adopté. Mais moi, je ne savais pas que j'avais un temps pour récupérer l'enfant. On ne me l'a jamais dit, en fait. Enfin, je pense qu'elles m'ont mis dans une espèce de peur, de crainte. Mais c'est vrai que j'étais un peu, peut-être, je me suis laissée manipuler complètement. Parce que j'avais l'appui quand même de mon petit copain de l'époque. Il me disait, je ne suis pas le papa, mais on peut l'élever ensemble si tu le souhaites. Enfin, il y avait quand même pas mal d'éléments. J'avais un appartement, j'avais un travail. Lui, il travaillait aussi. Et souvent, je me suis remis dans ma tête pour me demander, mais pourquoi tu n'as pas été là-bas secouer des gens et ramener ton enfant, quoi. Ou pourquoi même tu es partie sans lui. C'est cette chose-là, des fois même, qui me... J'étais vraiment, je pense qu'elles m'ont vraiment bien influencée. Hein. Et ma crainte, en fait, j'avais aussi gardé la crainte que la facture, enfin, le devis soit envoyé à mes parents. Parce que l'accouchement sous X vous dégage aussi en même temps de tous les frais liés à l'accouchement. Maintenant, je l'ai compris, mais sous le moment, je ne voyais pas. Et donc, en fait, elles me disaient, mais par contre, si vous venez récupérer votre enfant, il va falloir payer les frais d'hospitalisation. Et comme vous n'avez pas de carte de séjour, on sera obligé d'envoyer la facture qui est indiquée, ce qui n'est pas faux, hein, certainement. Elle a trouvé, elle a tapé dans le mille, en fait. Mais en plus de ça, je savais que j'avais une césarienne, donc plusieurs jours hospitalisée, hein, peut-être une semaine où je suis restée à l'hôpital. Donc oui, ça peut monter très haut. Hein. Alors qu'elle est assistante sociale, elle aurait pu trouver d'autres solutions, et maintenant je le sais, évidemment. Au directeur de l'assistance publique de Paris, septembre 1917. J'ai l'honneur de vous écrire à nouveau afin de vous dire que je suis une pauvre fille mère de qui l'on n'a pas pitié. Mon enfant, une fille, a 3 mois passés et malgré mes démarches, je n'ai réussi à toucher que 25 francs d'allaitement le premier mois et depuis, plus rien. Je ne gagne que 60 francs par mois et j'en donne 50 pour mon enfant qui est en nourrice. Il m'est donc impossible d'arriver. La France réclame pourtant des enfants. J'ai travaillé pour elle. Et non seulement moi, mais dans ma famille, mes 3 frères sont au front depuis le début. Ils travaillent également pour elle. Or, il est de juste que je sois aidée. N'est-ce pas mon droit d'ailleurs ? L'on m'a dit que vous étiez juste. Aussi suis-je persuadée que j'obtiendrai ce que je demande à juste titre. Et ce qui est nouveau, au fil du temps, Antoine Rivière. C'est le fait que cette précarité économique, qui est présentée par les mères comme la cause de l'abandon, en gros, c'est une impossibilité matérielle hein, d'assumer leur maternité, eh bien, elles vont, en quelque sorte, ces femmes, de plus en plus, partager la responsabilité avec l'institution. Autrement dit, si vous m'aidiez, notamment par le versement d'allocations, je pourrais assumer ma maternité. Et ça, c'est très nouveau, parce que ce qu'on voit apparaître, c'est en quelque sorte un discours féminin qui a intégré le discours général porté par la société autour de la nécessité de faire des enfants, au nom de cet impératif populationniste. Eh bien, ces femmes, elles en font en quelque sorte un argument en leur faveur, en disant, puisque la France a besoin d'enfants, et que moi, j'ai un enfant, il est juste qu'on m'aide à supporter le coût économique de cette maternité. Et donc, j'exige en quelque sorte que l'on m'aide. Et si je suis contrainte à abandonner mon enfant, ce ne sera pas tant de ma faute, ce sera le fait des insuffisances de l'état social en gestation. Et donc, cette revendication d'un droit au secours, il anticipe en quelque sorte la construction économique, idéologique, politique de l'État-providence. Il vient de cette intégration du discours que l'enfant est un bien commun et que du coup, il n'y a pas de raison que les femmes soient les seules à assumer la charge que ça représente, et qu'on ne peut pas en tout cas les blâmer lorsqu'elles doivent renoncer à leur maternité à cause de conditions économiques et matérielles trop précaires, on ne peut pas les en blâmer, il faudrait aussi blâmer la société dans son ensemble qui n'assume pas en quelque sorte les conséquences de son credo populationniste en venant les aider avec des aides financières. Qu'est-ce que ça traduit sur la vision qu'ont les assistantes sociales et les psychologues de qui sont les bonnes mères et qui sont les mauvaises mères ? Ça tourne autour des moyens financiers, certainement. Des gens bien installés dans la vie, qui savent où ils vont, qui sont en couple, qui sont mariés, qui ont un travail. Des gens normaux, entre guillemets, quoi, pour eux. Et en fait, je pense aussi qu'elles se sont dit qu'il y avait beaucoup de familles en France qui étaient déjà très mûres, qui n'avaient pas eu la chance d'avoir un enfant. Et je pense qu'elles ont gardé cette image de l'enfant, c'est un cadeau pour la société, enfin, c'est la continuité d'une vie, enfin, ça n'a pas de sens pour certaines familles de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir d'héritier. Donc elles comprenaient très bien ça, et donc pour elles, c'est dans ce but-là qu'elles pensaient bien faire prendre un enfant à une femme qui est jeune, qui peut encore en avoir, pour combler une famille qui, sans enfant, ne pourrait plus. Enfin, mais je pense qu'on trie beaucoup sur l'âge, sur les conditions professionnelles et financières. Ouais. Il va de soi que les classes populaires sont, comme toutes les autres classes sociales aux yeux de ces institutions, chargées d'une forme de devoir patriotique qui est d'avoir des enfants. Donc il n'y a pas tellement de distinction en fonction de la classe sociale, d'autant plus que l'assistance publique, comme on l'appelle parfois à l'époque, est la grande maison des pauvres. Donc de toute façon, son public, c'est les classes populaires. Et elle n'a pas tellement de prise sur les autres classes sociales. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des discours concurrents, minoritaires mais importants, qui sont ceux qu'on appelle parfois les courants néo-malthusiens. Et ces courants-là, eux, encouragent justement les classes populaires à une certaine retenue en termes de procréation, au nom de l'idée qu'on vivra mieux si on a moins d'enfants. On pourra investir davantage, d'abord d'un point de vue affectif, mais aussi d'un point de vue financier. Le peu d'argent que dans les classes populaires on peut dégager pour l'éducation des enfants, eh bien, il sera plus utile si ce peu d'argent est concentré sur un nombre réduit d'enfants qui pourront peut-être avoir une scolarité plus poussée et pourquoi pas permettre une ascension sociale de la famille. Et donc ce calcul néo-malthusien est au contraire dénoncé par le camp populationniste, et en particulier par les administrations comme l'assistance publique, hein, qui en permanence insistent sur le fait qu'on ne doit pas sacrifier en quelque sorte le devoir procréateur à un goût pour une vie facile, aisée, plus de luxe, etc. Alors, en termes d'optimum de population, il y a trois positions qu'on peut mettre en avant. Laurent Toulemont, démographe. Il y a des pays, par exemple à Singapour, il y a une politique nataliste pour les femmes les plus diplômées. Avec l'idée que plus les parents sont diplômés et plus ils sont bien éduqués, plus ils vont pouvoir eux-mêmes améliorer le capital culturel et économique de leurs enfants. Donc il vaut mieux que ça soit les riches qui fassent des enfants, parce que ça sera des enfants qui seront plus propres à enrichir le pays. Deuxième possibilité, c'est de dire il vaut mieux qu'il y ait le même nombre d'enfants dans tous les groupes sociaux, parce que comme ça, c'est l'égalité par l'identité et ça renforce la cohésion sociale du pays. Et puis troisième possibilité, c'est de dire c'est pas plus mal que ça soit les pauvres qui fassent des enfants, parce que ça permet à l'ascenseur social de fonctionner, parce qu'il y a beaucoup de freins aux mobilités sociales descendantes. Et si les riches font beaucoup d'enfants, ça fait beaucoup d'héritiers qui vont prendre toutes les bonnes places et il n'y aura pas de place pour les enfants de pauvres qui veulent progresser. Et donc, en ayant des riches qui font peu d'enfants, bon ben ils produisent pour la nation d'autres choses, ils font des découvertes scientifiques, ils font des productions artistiques, ils font plein de choses qui enrichissent le pays. Mais la production d'enfants, on peut d'une certaine façon la déléguer à des personnes qui sont moins diplômées, sachant que c'est l'État, c'est l'éducation qui va améliorer la qualité humaine des personnes. Donc ça, c'est un mythe qui est assez présent en France Et on le voit, par exemple, en Allemagne, il y a un discours, moi, qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'il y a l'idée que quand on n'a pas de quoi se le payer, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. C'est immoral d'avoir beaucoup d'enfants parce qu'ils vont être mal élevés. Et donc, ça ne va pas faire des bons citoyens à l'avenir. Alors qu'en France, il y a l'idée, il y a le mythe de l'égalité des chances, il y a l'idée que c'est à l'État de prendre en compte l'éducation des enfants. Et donc, à part quelques discours xénophobes ou racistes sur certaines populations immigrées, il y a très peu de discours de condamnation des personnes, notamment en bas de la hiérarchie sociale, qui, bien que n'ayant peu de revenus, font beaucoup d'enfants. Il y a plutôt l'idée qu'il faut aider les familles nombreuses à ne pas être dans la pauvreté. Emmanuel Pont, quand d'un point de vue historique, les classes populaires ont-elles commencé à faire l'objet d'une préoccupation démographique particulière ? Au XIXe siècle, il y a eu un mouvement spécifique sur les classes populaires avec Malthus. Malthus était un pasteur qui avait cette vision de justifier l'ordre social qui est un ordre divin par des sortes de lois biologiques et qui correspondait aux réflexions de son époque. La pauvreté et donc le risque de mourir de faim sont des sortes de lois naturelles qui sont juste des leviers d'adaptation à la nourriture disponible. Un peu comme des animaux dont le nombre dépend de la quantité de ressources. Il a un petit peu changé avec le temps, et notamment il a présenté cette idée de contrôle de la population qui au début n'existait pas. Il voyait ça uniquement comme un phénomène naturel, mais comme un phénomène moral, notamment la capacité des couples à résister à leurs pulsions et à se limiter en enfants s'ils n'ont pas les moyens de les alimenter. Et donc c'est une justification encore pire de la pauvreté, ce qui est que les pauvres ne sont pas capables d'avoir peu d'enfants, et donc ça justifie la pauvreté de leurs enfants. Je dirais qu'aujourd'hui la société française reste encore majoritairement pronataliste, et que par contre les gens qui sont les plus pronatalistes sont aussi ceux qui s'inquiètent le plus de la natalité ailleurs. Il y a une sorte de paradoxe qui est assez intrigant pour quelqu'un qui ne connaît pas bien la démographie ou les faits sociaux, c'est de se dire pourquoi est-ce que ce sont dans les endroits où a priori c'est le moins facile de pouvoir élever des enfants dans le confort que l'on continue à faire le plus d'enfants, et pourquoi à l'inverse ce sont dans les endroits de la société où a priori il y a plus de facilité sociale, économique, qu'on renonce davantage à faire des enfants. Alors, en réalité, on a plutôt une courbe en U, c'est-à-dire la fécondité est la plus élevée aux deux extrêmes de la hiérarchie sociale ou de la hiérarchie des revenus. Alors, les économistes ont mis ça en équation et les sociologues ont bien confirmé cet aspect. En fait, il y a deux comportements qui s'opposent. Il y en a un premier, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire en faisant des enfants, on se ferme des portes. Et ça, quand on est en bas de la hiérarchie sociale, de toute façon, les perspectives professionnelles, c'est d'avoir un boulot mal payé avec des horaires compliqués. Le fait que le travail libère, c'est pas forcément une idée qui est très présente dans les milieux populaires. Et donc, on peut dire qu'il y a des situations où les gens sont dans une situation tellement difficile qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre à faire des enfants. Après, du côté des classes moins favorisées, donc ça existe aussi, bien évidemment, des personnes qui ne veulent pas d'enfants chez les Charlotte Debest, moins favorisées. Sociologue. Mais faut pas oublier quand même que la maternité, puis peut-être la parentalité globalement, mais notamment la maternité, dans notre société actuelle, ça permet quand même d'avoir un statut social, en fait, une utilité sociale. On est reconnu en tant que mère. Ça ouvre des droits, ça peut éventuellement permettre une certaine forme d'émancipation par rapport à sa famille d'origine, donc par rapport à ses propres parents, par exemple. Donc ça donne un statut social, une identité, en fait, sociale du côté des classes les moins favorisées, notamment d'un point de vue du niveau d'études. Et puis il y a un deuxième effet qui s'oppose au premier, c'est ce qu'on appelle l'effet revenu. C'est-à-dire que, un enfant de riche, ça coûte plus cher qu'un enfant de pauvre, parce qu'un enfant de riche, ça doit partir en vacances, ça doit avoir une chambre seule. Donc la notion d'équité, d'égalité, la façon dont l'État va compenser pour le coût d'éducation ou d'élevage des enfants, c'est un sujet assez compliqué. Et en France, on a l'idée, avec notamment les réductions d'impôts, qu'on va faire ce qu'on appelle une redistribution horizontale, c'est-à-dire on va acter le fait qu'un enfant de riche, ça coûte plus cher qu'un enfant de pauvre. Et donc, d'une certaine façon, l'État va aider plus les riches que les pauvres. Alors, ça a été beaucoup discuté, la stratégie est un peu en train de changer. Bon. Mais ça n'empêche que quand on a beaucoup d'argent, on peut compenser les charges d'éducation des enfants, notamment en envoyant les enfants à la crèche, en employant des employés de maison qui vont s'occuper des enfants. Bon. Et donc cet effet revenu, il va faire que quand on a suffisamment d'argent, on va pas avoir de difficultés pour avoir des enfants. En France, il y a relativement peu de différence entre les groupes sociaux en termes de comportement démographique. Il y a des inégalités sociales, notamment le fait qu'il y a beaucoup plus de familles monoparentales, de femmes qui élèvent seules leurs enfants en bas de la hiérarchie sociale, là où les questions de conciliation sont les plus difficiles, parce qu'il y a moins d'accès aux crèches, il y a des horaires d'emploi qui sont souvent plus irréguliers, donc il y a plus de difficultés. Donc je dirais, en France, il y a moins de différence entre les comportements des groupes sociaux que dans d'autres pays, mais il y a plus d'inégalités sociales. Et donc, il y a peut-être plus à perdre à faire des enfants. Alors effectivement, c'est des choix des individus qui dépendent de beaucoup de facteurs. Emmanuel Pont. Qui d'ailleurs, généralement, sont des combinaisons de facteurs. Il n'y a pas une grande raison, il y en a beaucoup. Est-ce que aujourd'hui, c'est en augmentation? Pas tant que ça. Ça a l'air d'être plutôt stable, autour de 5%. Et d'ailleurs, c'est le cas dans la plupart des pays comparables, donc autour de 5% de gens qui renoncent vraiment à avoir des enfants, mais qui ont un choix conscient, parce que les gens qui n'ont pas d'enfants, globalement, il y en a beaucoup plus. Je crois que c'est 16% des femmes et 22% des hommes, quelque chose comme ça. Mais c'est pour plein de raisons différentes. C'est infertilité médicale, c'est ne pas avoir rencontré la bonne personne, c'est ne pas s'être décidé justement pour des raisons économiques ou sociales, et donc c'est beaucoup plus large. Et donc la majorité des gens qui n'ont pas d'enfants, c'est contraint plutôt que par un choix. Je vous envoie la feuille du secours de février et je vous dis que c'est la dernière feuille que j'ai. Et comme je ne veux plus demander de secours à l'assistance publique, vous tâcherez de faire votre possible que ma petite soit l'assistance. Depuis le temps que je vous ai dit, je ne veux pas vous payer 90 francs de mois de nourrice. D'abord, je ne peux pas le faire. J'ai d'abord ma mère à ma charge et je ne veux pas la délaisser pour garder un enfant que je m'attacherai jamais. D'abord, plus ça va, plus je me désintéresse à elle. J'aurai jamais d'attachement à cet enfant. Débarrassez-moi de cette petite. Moi, je n'en veux plus. Jeannette L., février 1923. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que les premières années du XXe siècle, il y a un certain nombre de ces abandons qui sont faits par des femmes qui refusent de donner aucun renseignement. Il y en a plusieurs centaines par an. Et il est possible qu'il y ait un certain nombre de ces femmes, parmi celles qui abandonnent sans rien dire, qui déposent un enfant de façon purement anonyme, il est possible qu'il y ait des femmes qui soient suffisamment affirmées face à une société très patriarcales, machistes qui les entourent, un, pour ne se sentir suffisamment forte pour ne pas répondre à l'injonction de l'administration qui leur demande de donner des comptes et d'expliquer, de rendre des comptes et d'expliquer pourquoi elles abandonnent, et deux, qui pourraient très bien être des femmes qui ont décidé, parce que soit elles ne se sentaient pas une âme maternelle, soit parce que dans ces circonstances-là, elles décident d'abandonner. Qui considère que ce ne sera pas entendu comme un discours légitime de la part de l'institution et préfère s'éviter une leçon de morale ou une réprobation définitive et donc abandonne sans rien dire. C'est tout à fait possible. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé quand vous avez retrouvé le contact de votre génitrice, le moment où vous décidez de l'appeler? En fait, on s'est un peu parlé. Effectivement, j'ai pu la retrouver. Mais Sandrine. Bon, elle était vraiment sous le choc. Mais bon, et maintenant, moi, j'ai 45 ans, et donc elle m'a eu assez tard aussi. Elle est âgée. Pour elle, ça a réveillé des souvenirs très douloureux. D'ailleurs, j'ai même pas osé lui demander Peut-être j'aurais pu la voir une fois, ne serait-ce qu'une fois, mais j'ai pas osé lui demander parce qu'elle était très sur la défensive et on sentait qu'elle n'était pas prête, à que c'était trop douloureux pour elle, quoi. Elle n'a pas été méchante, mais elle a été assez dure. Elle m'a pas raccroché au nez non plus. Hein. Elle m'a même dit « portez-vous bien ». Voilà, enfin, donc c'est quand même sympathique, presque. Enfin, ce que je... Tout ça m'a permis beaucoup de réfléchir sur la condition des femmes en général. Parce que, quoi qu'elles fassent, en fait, elles sont coupables. Qu'elles avortent ou qu'elles abandonnent leur enfant, coupables. Encore pire quand il y a abandon d'enfant. Alors que, on pourrait dire au contraire, non. Puisque ça, finalement, les gens qui voulaient adopter ont pu m'adopter. Donc, c'est quand même plutôt formidable, en fait. Et il n'y a pas lieu d'en vouloir. Même si, bien sûr, y a on est blessé quand même, bon, malgré tout. Mais je ne pense pas qu'il faille en vouloir à ces femmes-là. Il y a quand même un certain nombre de ces pères qui, eux aussi, peuvent être amenés à abandonner. Mais il y a, me semble-t-il, une façon plus facile pour les hommes de dire qu'ils renoncent à un enfant. Le fait simplement d'être veuf, par exemple, amène l'administration à une compréhension quasiment totale de l'abandon. L'absence de la mère, parce qu'elle est morte en l'occurrence, fait que l'administration ne se pose pas la question de savoir si c'est des mauvais pères parce qu'ils abandonnent leur enfant. Donc l'équation, elle est complètement inversée. C'est-à-dire que l'abandon égale manque de sentiment maternel, mais quand c'est le père qui abandonne, abandon égale contrainte insurmontable, en l'occurrence l'absence de la mère. Et vous avez des pères qui arrivent à l'assistance publique en disant « voilà, je vais me remarier, mes enfants de mon premier mariage ne sont pas les bienvenus dans la famille de ma nouvelle épouse, et donc je les dépose ». Et ça pose de problème à personne. C'est-à-dire que l'assistance publique ne va pas dire indifférence, manque de courage, etc. Et donc là, il y a une asymétrie qui me semble assez flagrante entre les hommes et les femmes. Tu m'écris, Léon, qu'il faut que je t'oublie, parce que dans quelques jours, tu vas te marier. Est-ce que tu me demandes là, mais c'est de la folie. C'était « Quand le choix se fait sous la contrainte ». Avec Susanna, Sandrine, Charlotte de Best, Nadine Le Faucheur, Emmanuel Pont, Antoine Rivière et Laurent Toulmont. Merci à Irène Théry et Maria Pia Briffo. Lecture, Daniel Koenigsberg et Nathalie Canoui. Et le jour où je t'ai dit, je crois que je vais être mère, un petit enfant de toi, c'était fabuleux. Tiens, je l'ai là ta voix dans mon oreille. Oh, pas de petit salé, on est assez deux. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Prise de son, Bruno Mourlan. Coordination, Perrine Carvran. Mixage, Éric Boisset. J'en fais l'expérience. Ben quoi, il y a des choses qu'une femme n'oublie pas. Non merci, pas d'enfant. Une série de Manon Prigent, réalisée par Anne Fleury. C'est pas pratique ce plâtre. Tu peux me passer mon livre ? Et voilà. Ah, merci. Et ma tasse, tu veux bien me la porter ? Et voilà. Et tu pourrais aussi me garder Rufus juste quelques jours. Avec votre contrat santé, en cas d'immobilisation, Télém Assurance prend en charge la garde de vos animaux. Et voilà. Retrouvez nos solutions simples et faciles dans nos 300 agences ou sur telem-assurance.fr. Et en ce moment, 4 mois de cotisation offerts pour chaque nouveau contrat. Offre soumise à condition Télém Assurance, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.